Quelques moments après, il fut emporté près de Madame de Beauséant, dans un coupé rapide, au théâtre à la mode, et crut à quelque féerie lorsqu'il entra dans une loge de face et qu'il se vit le but de toutes les lorgnettes concurremment avec la vicomtesse, dont la toilette était délicieuse. Il marchait d'enchantement en enchantement. « Vous avez à me parler, » lui dit Madame de Beauséant. « Ah, tenez, voici Madame de Nucingen, à trois loges de la nôtre. Sa sœur et M. de Trailles sont de l'autre côté. » En disant ces mots, la vicomtesse regardait la loge où devait être Mademoiselle de Rochefide et, n'y voyant pas M. d'Ayoud, sa figure prit un éclat extraordinaire. « Elle est charmante, » dit Eugène, après avoir regardé Madame de Nucingen. « Elle a les cils blonds. »« Oui, mais quelle jolie taille mince. »« Elle a de grosses mains. »« Les beaux yeux. »« Elle a le visage en long. » Mais la forme longue a de la distinction. Cela est heureux pour elle qu'il y en ait là. Voyez comme elle prend et quitte son lorgnon. Le gorillot perce dans tous ses mouvements, dit la vicomtesse, au grand étonnement d'Eugène.